C'est ça qui est. Tu l'adoreras, s'il y a eu le dernier mot, tu le baisseras jamais. Mais c'est son métier, il attend que t'aies fini, il en place une. Mais bien sûr, et surtout, Étienne Masson, il n'en a pas dit ça. Et toi, tu continues, mais il va y avoir une dernière avant que t'aies fini. Après, c'est les mêmes qui vont pleurer quand ils sont chauds. Il t'a niqué. C'est la cohérence intellectuelle. Contre la toute puissance. La cohérence intellectuelle de ces gens-là. Tu ne peux rien contre la toute puissance. Tu es dominé. Tu es dominé. Prosterne-toi et baisse les yeux. Baisse les yeux. Bonjour. Alors, excusez-moi. Donc, on a parlé du projet d'Arles Avignon, c'était très sympa. c'est génial, parce qu'il y en a qui défendaient qu'il fallait que ça soit le deuxième club de la région PACA, et qu'ils aient un peu comme le Paris FC. Moi, j'ai hâte de voir le classique. PACA, non, PACA, non, PACA, il y en a d'autres. Hein. Ouais, ouais, bah, oui. Enfin, bref, de ce coin-là. La Provence. La Provence. Ils s'appellent ça comment? La Provence. Voilà, c'est ça. Et Pardon. Tu sais l'endroit où tu vas en vacances? Il est désespéré, j'y vais en plaisant, t'en pas. Ben moi j'ai hâte de voir le classico Paris FC Arles Avignon, putain qu'est-ce que ça va nous faire rêver quoi. Encore faudrait-il que le PFC monte? Encore faudrait-il que l'autre ne descende pas déjà Arles Avignon. Non t'inquiète donc, pas. Mais je m'inquiète très peu. Selon un auditeur, Anthony, il y avait 11 Dimeco l'an dernier sur la pelouse et c'est pour ça que l'AOM a battu Paris. Moi j'ai peur que cette année, pour que Paris perde, il faudrait qu'il y ait 11 Christophe Robert au Paris Saint-Germain ou 11 je sais pas avec 11 Jardins et 11 liasses de billets, parce que sinon je pense que ça va pas être possible, même si Eric dit que c'était la thèse de l'accident contre Valenciennes, sûrement l'accident vasculaire cérébral, parce que moi quand j'ai vu le match j'avais l'impression qu'ils étaient tous très très très malades. Et puis du coup t'as été interpellé par Daniel, Eric, et je voudrais juste qu'on écoute ce petit passage. Et je crois que l'OM est toujours bien placé pour jouer ce fameux championnat des 19 c'est autres équipes. C'est pas la même chose, ça. Et surtout, dire ça. Donc en fait, Daniel, il sait même plus qui t'es. Il t'appelle Frédéric, Bernard, Jean-Claude. De toute façon, tout ça, t'es du passé. Il t'a annihilé. Il t'a annihilé. T'es personne. Tu m'entends? T'es personne. C'est vrai, t'es sûr que c'est Frédéric? Oui, Frédéric, mais t'as reculé. Stéphane, ce mec n'existe plus. Ce mec fait partie du passé. Il est dans le rétro. Tu fais partie du football, du rétro. Nous sommes des petits maintenant. Mais ne parle pas. Au-dessus, il est très haut. C'est Daniel qui doit finir. Ah oui, pardon. J'ai décidé de laisser la dernière phrase à Daniel. Daniel, je te laisse ma dernière phrase. Vas-y, dis ce que tu veux. Cadeau. Tu es drôle, Julien. Merci, Daniel. C'est Julien. Magnifique. Je peux dire stop? Bah, tu peux. Stop ou encore, comme disait Vincent Perrault. Donc, on a parlé de Florent Balmont, le pauvre Florent Balmont, qui a des problèmes privés, puisqu'il y a un mec qui l'a menacé de mort, ce qui est la différence avec Zlatan, que si un mec le menace de mort, c'est le mec qui a des problèmes privés. Là, c'est peut-être la grande différence. L'OM, alors, je peux dire que l'OM, ils sont prêts. L'OM, je peux dire, pour le classico, ils sont à bloc, ça vous en avez pas parlé, il y en a qui ont. Tu vois, par exemple, Abdoulaye, il a la bave aux lèvres, voilà, il veut les bouffer les Parisiens, il a rien à foutre, tu des stars. Lui, c'est l'OM. La star, et moi quand je l'entends, ça me rappelle l'époque tapis, ça me rappelle Marseille qui marchait sur les adversaires. On écoute Abdoulah. C'est sûr que voilà, pour un jeune, voir de grands joueurs comme Zlatan Ibrahimovic, Thiago Motta, Thiago Silva, qu'avant je les voyais à la télé, à TF1, et d'un coup là se retrouver peut-être à côté ou juste sur le banc, ce serait beau. Mais... Voilà, ça si c'est pas de la motivation, si ça c'est pas un mec qui a envie d'en découdre, le mec il va jouer à côté de Zlatan Ibrahimovic, il va pas jouer en face, il va pas jouer contre, il va jouer à côté ou sur le banc, puis il va le regarder, il va prendre des photos. Je pense qu'Eric Dimeco, à l'heure où nous parlons, s'est pendu. Évidemment, parce que lui s'il entend ça, je pense qu'il préfère encore s'arracher une couille sans réveiller l'autre, parce que c'est affreux, mais bon. Et voilà, une époque est révolue. Adieu Eric. Enfin, ou Frédéric, comme l'appelle Daniel, enfin, pour un vieux, quoi. N'existe plus, de toute façon, cet homme. La défaite de Sochaux. Alors, la défaite de Sochaux, qui n'était pas annoncée, mais bon, contre le Paris Saint-Germain. On se rappelle que le gardien de Sochaux avait dit, quand on lui avait demandé ce qu'il souhaitait pour ce match, il disait ne pas en prendre 5. C'est quand même un beau projet. Un projet plein d'avenir. Et, bah, évidemment, bon, on a vu le match, ça a été difficile. Alors, vous imaginez bien la réaction qu'il y a eu dans les vestiaires de Sochaux après le match. On écoute. Ils étaient super contents, les mecs. Évidemment, vous doutez bien que le président a doublé la prime, hein, parce que je rappelle que maintenant en Ligue 1, contre le PSG, une défaite en dessous de 4-0, c'est la prime. 2-0 en double, à 1-0 au quadruple. En cas de match nul, c'est 10 fois la prime, et ovation au balcon de la mairie avec feu d'artifice. Et en cas de victoire, alors là, c'est complètement dingue. Mais il n'est pas interdit de rêver, Car si je rêve de l'impossible, alors seul le rêve m'est impossible, comme disait Mallarmé, Voltaire ou Francis Lalanne, je sais plus. Bref, enfin j'ai plus en tout cas la victoire contre le PSG aujourd'hui en Ligue 1, c'est quoi? C'est 100 fois la prime. Descendre dans la ville en autobus impérial escorté par la garde publique à l'UNU avec la Miss régionale, la suite impériale du campanile de votre choix, la dernière Laguna Brandao, toute option, avec vitre teintée, tout ouvrant et siège rabattable, une statue à votre effigie à l'entrée de la ville, une visite à l'Elysée, la Légion d'honneur, son point en disque, le Stone et Chardonnay, un porte-clé à moustache, Frédéric Thériez, qui fait olé quand on le siffle. J'en ai un moi-même, voilà. Ça, c'est la récompense. Et j'espère que certains y penseront pour essayer quand même de gagner au moins un match, même si c'est vrai que le match plus létal des champs. Brandao qui est relaxé, ça fait quand même plaisir. Brandao pour l'affaire de viol, hein, bien entendu. Hein, il reste toujours entendu par les juges pour les affaires de barbarie en bande organisée ayant entraîné la mort à l'aide d'armes de cuir sphérique projetées à 150 km/h. Mais bon, le procès risque de durer un peu plus longtemps puisqu'un de ses sbires, Taïwo, est en fuite à Kiev, en Ukraine. Mais puisqu'il est déchargé de toute suspicion, il va donc pouvoir retrouver la liberté et enfin quitter Saint-Etienne, lui et sa famille, car il est évident qu'il était chez les Verts dans le cadre de la détention provisoire. Ben oui, on y va rarement par choix. Donc il aura quand même purgé plus d'un mois dans le Forez pour rien. Gageons qu'il demande réclamation auprès du ministère public. Merci. À tout à l'heure. C'est pas touché. Moi, je prendrais bien une équipe de Monaco à l'UFA. Pourquoi il n'y a pas l'équipe non, de Monaco? Non, mais du coup, de Rocher. La dernière fois, je vous parlais de l'île de Ré, mais je pense que même, je pense, le canal Saint-Martin ou l'île Seguin peuvent avoir une équipe. On peut encore y croire. Moi, je dis, faut pas lâcher. Hein? L'île aux Cygnes? Ouais, n'importe. Mais même, je sais pas, la mer de sable, je vous dis. Pourquoi pas? Un club sympa pour l'Europe. Ça fait des clubs à battre, ça fait des beaux matchs avec au moins un but pour l'équipe de France. C'est des matchs sympas. Momo! On a eu Momo tout à l'heure, Fred, hein, c'est toi qui as vu Momo. Momo, donc, qui est français, qui est supporter du Barça, qui va voir le Real Madrid contre Valladolid. Donc lui, c'est même plus un foot X. Je pense que c'est une basse-cour X avec la grange X et le poulet X, lui, tu vois. C'est, on atteint le sommet, au-dessus, je vois pas ce que c'est. J'ai franchement le mec, j'imagine pas à un moment donné. Bah bref, on en découvre tous les jours. Manchester, alors c'est bizarre, on comprend pas là, Philippe, je comprends pas, il galère Manchester, mais je comprends pas, il y a Giggs, il y a Scholes, il y a Ferdinand, on attend le retour de York et Cole, il y a Cantona qui revient de suspension, et Brian McClair s'est remis de sa pubalgie, bah franchement. Et Kanchelskis qui est en pleine bourre, enfin, franchement, les Mark Hughes, là, je crois qu'en plus, il a sa cheville qui va mieux, je sais pas ce qu'il vous faut, les mecs, il y a une super belle équipe, hein, bon après, c'est un petit peu âgé, mais pas tant que ça, mais il leur reste des jeunes, hein, je crois qu'ils ont, enfin, en tout cas, ils veulent faire illusion, je crois qu'il y a un mec qui s'appelle Young et qui s'appelle Bébé. Donc, à gérer tout ça, mais bon, bref, a priori, ils arrivent à peut-être un âge moyen, ça serait pas mal. Giroud, il y a un auditeur qui nous a dit qu'on ne remplace pas le parrain par le grand pardon. Non, c'est pas le problème, c'est que Giroud, c'est un très bon film. Le problème, c'est que Giroud, c'est une VHS, il a été transféré dans un club en Blu-ray. Donc, si tu veux, il y a un moment donné, ça colle pas. Si tu veux, c'est même pas une question de la qualité du film, c'est que c'est pas compatible, quoi. La Serie A, oui, par exemple, pareil. La Serie A, on dit c'est moyen, oui, ah non, c'est pas moyen. Excuse-moi, si on parle de cinéma, la Serie A, c'est juste au-dessus de la Série B. Et la Série B au cinéma, c'est pas terrible. Donc, à un moment donné, les mecs, c'est normal, votre truc, c'est pas génial, quoi. C'est un peu en dessous. En plus, c'est contradictoire. Parce que vous dites que c'est génial votre championnat, et vous dites que la meilleure équipe qui est Caracol, elle joue même pas la Ligue des Champions pour la gagner. Alors, excusez-moi. Et je sais pas pourquoi je m'énerve, parce que je m'en fous. Le Zénith n'est plus le Zénith. C'est vrai que c'est Zénith, c'est quoi? C'est même pas un palais des sports. C'est une salle polyvalente. On va l'appeler la salle polyvalente de Saint-Pétersbourg. Je vois pas autre chose, quoi. Et puis tout à l'heure, je voulais revenir sur un moment. On a parlé de Aubameyang. Et on a dit, il est pas en jeu. Et on a parlé de cette fameuse phrase. Quel joueur? Hein, non, mais déjà, c'est à côté. Neymar, c'est un peu le Aubameyang du Brésil. Du pauvre. Et on a dit qu'il revenait d'une position d'hors-jeu. Vous savez, cette phrase qu'on dit qu'il revenait. Et moi, je comprends pas ce que ça veut dire. On utilise tout le temps ce truc, il revient d'une position d'hors-jeu. Si par exemple, en sécurité routière, par exemple, tu roulais à 70, puis à un moment donné, ça devient 50, tu passes à 50, tu te fais flasher. Le mec, il dit, mais attendez, mais il dit, oui, mais vous revenez d'une position de 70. Il dit, oui, mais là, c'est bon. Et c'est 50. Ah oui! Mais tu reviens d'une position de 70. Et c'est comme quand tu vas te garer, tu pars avant 9h, mais c'est stationnement jusqu'à 9h. Il dit, oui, mais tu reviens d'une position où t'étais garé. Et maintenant, il est 9h05. Et moi, je vous dis, les mecs, faut se méfier parce qu'avec ça, le jour où tu te maries, t'as intérêt à checker le passé de ta femme parce qu'il y a des chances que tu reviennes d'une position de cocu. Moi, je dis ça, vous en faites ce que vous voulez. Ibrahimovic, quand même un truc important. Ibrahimovic a déclaré, moi ça m'a choqué, qu'il ne connaissait pas Nkoulou. Ah, il connaît pas Nkoulou. Mais qui c'est ce mec? Ah, Gilbert, Qui c'est ce mec Nkoulou? Parce que moi je connais pas non plus. Non, c'est salaud parce qu'Nkoulou c'est un grand joueur. Et je peux dire que Nkoulou il va lui montrer là au Viking de Médeux là, hein, au bouffeur de Chris Proche, il va lui montrer qui c'est Nkoulou. Parce qu'il en a maintenant d'autres Nkoulou. Jamel Bakar, bam, calmé, Kevin Berrigo, désingué, hein, et Sloan Priva, les Herrera, les Julien Toudic, annihilé. Et le Talek. Non, pas le Talek, mais bon lui c'est pas pareil, dans le top 5 mondial, il a joué à Liverpool. Donc forcément c'est pas évident. Mais Zlatan, lui, il a pas joué à Liverpool, Zlatan. C'est qui Zlatan, hein? C'est pas un bouffin, c'est pas un bidon qui va faire impressionner. Parce que nous, on a eu Elmander en Ligue 1. À l'OM, il y en a eu des grands joueurs suédois. Il y a pas eu Zlatan. Ils ont eu Magnusson, ils ont eu Klasingesson, ils ont eu Sonny Anderson. Alors vous n'allez pas nous impressionner avec le tocard, hein? Et je voudrais finir en disant que j'ai vu les seniors. Ah, c'est marrant. Alors, bref, c'est trop marrant. C'est une équipe de branques, là, dirigée par un gros nul. Le coach, c'est José Garcia. Il arrive à rien. Il a une équipe de pipe. Il est top. Et aujourd'hui, c'est ridicule. D'ailleurs, dans l'histoire, il a deux doigts de se faire virer par les mecs du Crédit Agricole. Ah non, je confonds, j'avais vu le dernier match de Jean-Louis Garcia. J'étais pas au cinéma, j'étais à Bollard. Excuse-moi, frère. C'était, maintenant que c'est Sicora qui a remplacé dans le film, c'est vachement bien. Et Gilbert, je voulais juste remarquer un truc, c'est, Gilbert, t'as remarqué, le club de Troyes? Pas remarqué. Non, quoi, non. Mais passé. Personne ne l'a remarqué, le club de Troyes, justement. Et il paraît qu'il est en Ligue 1. Alors, j'ai entendu ça, l'information est tombée sur le téléscripteur. Sous réserve d'éléments complémentaires, il paraît que le club de Troyes serait en Ligue 1. Mais bon. C'est une source RMC Sport qui reste à confirmer. Merci, à la semaine prochaine.